بسم الله الرحمن الرحيم. فإن تصفية الدعوة السلفية قوة، وأنا والله والله أجتهد فيه وأبذل وسعي فيه هنا من أجل تصفية الدعوة والبعد عن الأهواء. الدعوة السلفية، الدعوة السلفية تقدم لكم. وما كان المؤمنون لينفروا كافة، فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. تسجيلات الدعوة السلفية باليمن تقدم لكم. ألف لام را، تلك آيات الكتاب المبين. إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. دروس اللغة العربية. أبو يوسف عبد الله العاجي حفظه الله تعالى. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحابته ومن تبع أثرهم اكتفى. Donc hier on a pu voir المفعول به. تمام، on a vu المفعول به يعني son l'état final. Sa terminaison, c'est qu'elle se finissait toujours par le maf'ul bihi, il se finit toujours par, il est toujours mansoub. Mansoub, c'est celui qui se finit avec une fatha ou fathatay, ou yani ma'ana ba'anahuma, ce qui remplace la fatha ou la fathatay. On avait dit le maf'ul bihi, il est toujours dans la phrase verbale. Parce que là, il faut une action. Et l'action, elle se trouve dans les fi'l, dans les af'al. Et on avait dit, dans l'ordre chronologique, il vient après, elle fa'il. فعل وفاعل ومفعول به. Verbe, sujet et celui qui a subi l'action. Tamam. On avait dit lorsque le مفعول به il est nakira, pas il est nakira, mais lorsque le مفعول به finit par un tanwin, qu'est-ce qui doit se passer? Qu'est-ce qu'on doit faire? Si le مفعول به finit avec un tanwin, on met une alif. Tu mets une alif à la fin. وكان الله عليما يعني عند الوقف. وكان الله عليما حكيما. Tamam. Hakima. Et où est la fathatayn? Lorsque tu t'arrêtes, lorsque il est mansoub et il se finit par un tanwin. Mathalan, Uhibbu Muhammadan. Muhammada. Lorsque tu l'écris avec l'alif. Muhammad, tu mets la fathatayn, ensuite l'alif à la fin. C'est quoi l'arab de Uhibbu Akhi? Uhibbu Akhi, c'est Uhibbu Fi'l. تقديره ايش؟ انا تمام. اخي مفعول به منصوب، منصوب ام لا؟ منصوب. وعلامه نصبه ها؟ وعلامه نصبه الى بروف كي بروف كي منصوب مقدر المقدر سي كوا كي لا امبيشي الياء تدير ها؟ Mais d'abord, tu dois dire maf'ul bihi. Summa tu dis akhi mudaf walia mudafun ilayhi. Adhawa yani shahid, c'était quoi? Lorsque le mot finit avec le ya mutakallim, là, on avait dit, les arabes, ils n'apparaissent pas. Et ni se prononce. Ra'aytu akhi. Hadha akhi. Mukhabar. Hadha akhi. Ra'aytu akhi. Maf'ul bihi. Tamam. Naam. Marantu bi akhi. Marantu bi akhi. Je suis passé à côté de mon frère. Bi akhi. Dans ces trois-là, ça n'a pas changé. Akhi, akhi, akhi. Le ya, lorsqu'il vient, s'accroche à un mot, on avait dit, qu'il ne prend pas, il ne change pas, on va dire, d'apparence. Donc, après, bon, la leçon numéro 12, ça tournait autour du féminin. C'est simple. Ce qu'on avait un peu vu, ça. Le discours, lorsque tu veux l'adresser à une femme, si jamais tu veux utiliser le pronom personnel, tu diras anti. Si jamais tu veux utiliser. Pour que quelqu'un qui est présent, qui est devant toi, à qui tu parles. Si elle n'est pas là, hiya. Et quand elle est cachée, tu veux mettre les damir muttasil sur une chose qui lui appartient, mathalan, hada qalamu ki, tu diras. Yani, il faut l'accorder en fonction de la personne à qui tu es en train de parler. Même ma'ana. Man hadhihi al-fatatu allati ma'aka, ma'aki. من هذه الفتاة التي معك؟ فجأة قصة. من هذه الفتاة التي هي معك أو معك؟ تمام. Adolescente. تمام. On avait dit qu'à ذلك الذي. تمام. Le singulier de الذي c'est quoi? Féminin de الذي c'est الذي. Son féminin. التي. التي. والتي أحسنت فرجها فنفخنا فيه من روحنا وصدقت بكلمات ربها وكتبه وكانت من القانتين في مريم التي أحسنت فرجها. تمام. ça c'était le la leçon. Elle tourne autour de ça, frère. La leçon a tourné autour de ça. تمام. donc la plupart des la leçon numéro 12 a été simple. Parmi cette leçon-là, comme on a pu voir, l'ism al-mawsoul, ism al-mawsoul, c'est-à-dire le pronom relatif, il y a alladhi et lati. Ce qu'on a vu dans alladhi, vous mettez au féminin, c'est la même leçon. C'est la même chose. Ça s'approche un peu du ism al-mawsoul. Non, pas du tout. Alladhi. C'est même bab al-sifa. C'est pour ajouter un qualificatif. Quand tu dis man kharaja, ou man hada alladhi kharaja al-an, tamam, c'est pas n'importe qui. C'est celui qui vient de sortir maintenant. Tamam. Ça vient pour appuyer le sens du na'at, un peu. De toute façon, ce qui suit après, tamam, elle l'a dit, c'est un na'at. C'est-à-dire, ça vient qualifier ce qui est avant. Tamam. Ihdina sirat al-mustaqim. Tamam. Ayu sirat, yani, min ayu shakhs, sirat al-ladhina an'amta alayhim. Fa'ida, pourquoi, yani, là, il dit, Ibn Qayyim, là, il a dit, ihdina sirat al-mustaqim. Si il dit, ihdina sirat al-mustaqim, c'est qu'il est en train de demander une chose qu'il connaît. Parce que tu ne demandes pas une chose qui est inconnue. Tu ne fais pas une doha sur une chose qui est inconnue. Ihdina sirat al-mustaqim. Pourquoi il a rajouté encore après? Sirat al-ladhina an'amta alayhim. Yakfi, ihdina sirat al-mustaqim. Parce qu'il sait. Yani, ce qu'il veut. Pourquoi il a rajouté encore? Sirat al-ladhina an'amta alayhim. Si jamais tu. Parce que si jamais l'abd dit, ihdina sirat al-mustaqim, ma'na zalika, il demande une chose qu'il connaît. لا بس وسيس هذا عوج لكن يديش المملكة القيم رحمة الله يدي سرحبة إلى هذا يعني س بس كي يسويت il a un grand désir à ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala il guide sur ce chemin. C'est pour ça qu'il répète. Et la première c'est en demandant Allah azza wa jalla, la deuxième c'est par envie, tu vois, c'est par, comme il dit ça en arabe, il y a une rahba fi, tu vois, il a vraiment envie et il tashawwaq, yani il désire, yani fortement être sur ce sirat al-mustaqim. Celui qui connaît, c'est comme s'il disait yani atawassal ilayka, c'est même pas atawassal, tu vois. أتوصل إليك بإيماني ومعرفتي من هذا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم. ça c'est من باب يعني زيادة إيش في استجابة الدعاء. lorsque tu mets entre toi ta doua, مثلا tu dis أسألك, مثلا tu mets la rubia comme ils ont dit, ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم. تمام. ils ont mis entre leur demande, تمام, ils ont loué Allah subhanahu wa ta'ala sur ça, sa seigneurie, tout ça. Ils disent, il y a le fait que tu loues Allah azza wa jalla avant que tu demandes une chose, hein, que ce soit la seigneurie ou bien bittawassul matan, puis avec ta amal salih, comme ça arrivait à les trois personnes qui étaient dans la grotte. T'as, vous connaissez cette histoire-là? T'as, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils se sont rapprochés, ou plutôt ils ont demandé avec les œuvres qu'ils avaient déjà fait. Parce que ça, c'est minbab tawassul kataleka. Yani, tu prends tes bonnes œuvres, t'aimes les bonnes œuvres que tu penses que t'as été sincère avec Allah azza wa jalla. Yani, c'est un sebab pour qu'Allah subhanahu wa ta'ala t'exauce, yani, dans les moments de difficulté et tout ça, il t'exauce. Il dit là, c'est la même chose. Il dit là, le fait qu'il répète, c'est comme s'il demandait, il mettait entre lui et sa doua, yani le iman, la connaissance qu'il a de ce sirat al-mustaqim, afin qu'Allah Azza wa Jal, il exauce cette doua. C'est comme s'il disait, je te demande, par la foi que j'ai et la conviction que j'ai, de cette voie droite, la voie droite qui, sur laquelle ont acheminé, comment s'appelle, les prophètes et l'akhiré, que tu me guides sur Sirat al-Mustaqim. Voilà. Je ne sais plus pourquoi l'occasion que je dis ça. À quel hal. Un bel faïda. Al-Munasaba. Al-Ladina. Lorsque tu dis Ihdina Sirat al-Mustaqim, Sirat al-Ladina an'amta alayhim. Yani là, ça vient quoi? Un bel sifa. C'est qui? C'est pas n'importe qui. La voix de ceux qui. Donc après, il y avait les kalimat jadida. ماليزيا معروف ماليزيا سلا ماليزيا العم العم العم عم وعمي لونك باترنال يدي اخو الاب اخو الاب العم سي لو خير دو بير والعمه سي لا طونت باترنال عمه العمه عمه لا طونت باترنال سي لا سور دو بير تمام لا سور دو طون بير تو لابيل كومون عمه تمام الخال سي كي maternelle, c'est le qui, c'est le frère de ta mère. Wal khala, la sœur de ta mère. Al fallah, paysan, l'agriculteur. Mustashfa, al wilada, la maternité. Là, c'était le vocabulaire de la leçon numéro 12. Donc, dans les cas, il y a quoi? Salam. Khalas, khalas. Assalam, c'est quoi? Salam. La paix. La paix, le salut. الرحمة للذي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بركاته شيء بنكشن موجه موجه الموجه conseiller d'orientation يعني à l'école أما من de manière générale c'est un conseiller تم كيف comment حال كيف حالك إيش الحال يعني comment tu vas il demande sur son état الخير le bien فتاة l'adolescente Fatah Fatah Mustachfa al-Wilada maternité al-Mutawasita c'est al-Shadara Ba'da Malaisie donc ça c'est une nouvelle version ils avaient rajouté le vocabulaire Tam, donc la leçon numéro 2 ça a été simple là la leçon numéro 13 là c'est le vocabulaire c'est le pluriel on va rentrer dans le pluriel Qala al-Dars al-Thalith al-Ashar Alif من هؤلاء الفتية الطوال يا علي il nous dit qui sont ces grands adolescents يا علي الفتية donc c'est le jam de quoi de fata الفتية c'est le jam de fata إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى comme dans soit كاف فتية c'est les adolescents le pluriel de fata من هؤلاء الفتية الطوال يا علي هؤلاء c'est le pluriel de هذا تمام le pluriel de هذا ça اسم إشارة لكن c'est utilisé pour le pluriel تمام هؤلاء لو اللي مبني تمام اللي مبني il va toujours rester avec la كسرة تمام donc le pluriel de هؤلاء c'est quoi le je veux dire le singulier de هؤلاء هذا تمام هم طلاب جدود هم c'est le pluriel de quoi de هو طلاب c'est le pluriel de طالب Et Judou, c'est le plural de Jadid. Donc, ce sont des nouveaux étudiants. De nouveaux étudiants. Qalahum min America. Ils viennent de l'Amérique. Qui fait les Arabes de l'Amérique? America. Les Arabes de l'Amérique. Ah, voilà. Dans la phrase. Hum min America. America majrour. Majrour. Is majrour. Eh ouais. بيش بمين وهذا بس هو بالضمه ضمه ايوه ضمه تجي مجرور كما يبدا ضمه لا بالفتحه الكسره الكسره الكسره ولا العلامات مقدره مقدره بوكو ان موجود الالف مكسور جيت ترومبي الى مبني بامريكا امريكا الى مبني يا كوا الى مبني الى مبني امريكا امريكا الى مبني سي كوم ماليزيا سي كوم المانيا سي كوم فرنسا سي كوم كلها سي مبني C'est avec l'alif Maksoura. Là, c'est l'alif Mamdouda. C'est le bâton. Alif Asa. C'est juste pour tester. Donc, il est mabni. America, Allemagne, Madrej, Inglaterra, Madrej, France. Tamam. Lakin, celui-là, il est mabni. Tamam. Donc, il est mabni. Qala hum zumala. Ahum zumala uka. Est-ce que j'ai dit ce sont tes camarades de classe? Ahum zumala uka. Zumala. Zumala ou, c'est quoi? Le plural des amis. Le pluriel des amis qui est le camarade de classe. قال نعم هم زملائي وهم في فصلي هم في فصلي. Donc ce sont mes camarades de classe et ils sont dans ma classe. أهم مجتهدون. Est-ce qu'ils sont sérieux? تمام. مجتهدون c'est le pluriel de مجتهد. أهم مجتهدون. قال نعم هم مجتهدون. نعم ils sont مجتهد ما أسماؤهم comment s'appelle-t-il أسماؤهم جمع c'est le pluriel de اسم قال أسماؤهم ياسر وزكريا وموسى وعبد الله من هؤلاء الرجال القصار qui sont c'est yani, ces hommes de petite taille yani, ils sont courts de taille yani, قصار donc الرجال c'est le jam' de quoi de الرجل والقصار c'est le jam' de quoi de قصير celui qui est court de taille قال مهم حجاج ce sont des pèlerins هم حجاج c'est le jam' de حاج قال من أين هم دو viennent-ils قال بعضهم من الصين وبعضهم من اليابان certains d'entre eux بعضهم ils viennent du Japon de la Chine et certains d'entre eux ils viennent du Japon أين موسى وأصدقاؤه où est Moussa et ses amis où sont Moussa et ses amis où est Moussa et ses amis أصدقاء c'est le pluriel de quoi صديقون صديق c'est l'ami intime وأصدقاء c'est les amis intimes تم قال ذهبوا إلى المطعم ils sont partis au matam donc jamais tu veux dire ils sont partis avec un S pluriel il faudra que tu rajoutes comme on va le voir inshallah الذهب le wam wa الجمع wow الجمع le فعل هنا dans ذهبوا إلى المطعم le فعل c'est le wow هنا ذهبوا إلى المطعم il a dit où sont où est Moussa et ses amis avec un S تمام قال ذهبوا ils sont partis إلى المطعم ils sont partis au restaurant j'ai dit lorsque tu vas mettre au pluriel tu veux conjuguer هم avec le passé tu rajoutes un waw au fi'al le ماضي et ce waw là c'est lui le fa'il il s'appelle waw al-jama'a le waw qui est utilisé pour le pluriel إلى المطعم معروف le matam c'est le restaurant donc là inshallah là on va voir le pluriel c'est une des plus grandes leçons de temps ça. Ouais. Et une des plus importantes parce qu'elle va jusqu'à Jim Hatta hein ah Hadi Hadi tamam donc là il faut savoir que Al-Jam' tamam ينقسم الى قسمين tamam Al-Jam' ينقسم إلى أقسام حتى ما بدي قسمين تمام؟ ils divisent en plusieurs catégories تمام؟ plutôt إلى قسمين comme je dis يعني جمع التكسير et جمع السالم تمام؟ en français ça n'a pas de sens تمام؟ le جمع cassé et le جمع qui est sain ça n'a pas de sens à tout le hal mais juste nous on va le mettre en arabe et on va expliquer qu'est-ce que ça veut dire تمام؟ à mal traduire en français ça n'a pas de sens parce qu'il n'y a pas d'équivalent dans la langue française au niveau du pluriel, ça même. Donc là, la leçon numéro 13, c'est quoi? Ça va être hawala al-jam'a. Qui est le pluriel? Al-jam'a. Hawala. Autour. Hawala. Autour. Ça même? Donc le jam', ça veut dire le pluriel en arabe. En français, je veux dire. Le pluriel. C'est écrit ensuite, yan qasim ou la qismi. Il se divise en deux parties. جمع السالم وجمع التكسير جمع سالم وجمع تكسير الجمع السالم c'est celui dont son singulier tamam il va pas être modifié et on va lui ajouter à la fin le waw et le nun alors tu prends son singulier et tu rajoutes un waw et un nun c'est pour ça qu'ils ont dit salim. Pourquoi? Parce qu'il ne change pas. Il est saint de Tarayur. Il ne change pas. Il a été épargné du fait qu'il soit modifié. Pourquoi il l'a appelé Salim? Parce qu'il a été épargné du fait qu'il soit et en est modifié. C'est pour ça qu'il dit Salim. Lorsque tu dis quelqu'un est Salim, c'est quelqu'un qui a été épargné. Là, c'est la même chose avec Jam' Salim. Il a été épargné d'être modifié. C'est-à-dire son singulier, il n'a pas été modifié. Comme vous allez le voir, c'est un Jadid. C'est quoi son pluriel? Le Jadid. C'est quoi le pluriel de Jadid? Judud. Est-ce que son singulier était comment s'appelle épargné d'être modifié? Non. Tamam. Jadid, le ya, il est parti. Tamam. Au début, c'était une fatha qui avait son djim, là c'est une damma. Joudoud, le dal kazalika. Comme Qalam, aqlam. On lui rajoutait une alif. Ensuite, on rajoutait une alif après le lam. Tamam. Donc, là, son singulier n'a pas été sain d'être épargné de quoi de modifier. Amma al-jam' al-salim, c'est celui dont le singulier il est sain. C'est-à-dire, il est épargné de comment ça s'appelle modifier. Mathalan, muslimun, muslim. Hein? Dans ce que tu dis, muslim. Son pluriel, c'est quoi? Muslimuna. Hein? Muslimun. T'as pas? Son pluriel, c'est quoi? Muslimuna. Muslimuna. Ça a été épargné ou pas? Tout a été épargné. Le mime, le sin, le lam, le mime, tous sont présents. La dhamma sur le mime, la sukun sur le mime, je veux dire, la kasra sur le lam, et le waw sur le mime, et on a ajouté quoi? Le waw et le nun. En fait, il y a une différence entre les deux. C'est que al-kafir, c'est celui qui a mécru. Al-kuffar, c'est celui qui a beaucoup mécru. Kuffar. Ah, tu peux le dire pour singulier, kuffar? Non. Les deux, c'est du pluriel. Mais attention, kuffar, dans l'oral arabia, c'est pas celui qui est sorti de l'islam. Pas forcément. Ni ça. Le kuffar, ça peut être utilisé pour qui? Al-fallah. Le paysan, l'agriculteur. Tu as appris sur Al-Fath? À la fin. Ah, c'est qui le kuffar, Runa? C'est qu'ils sont sortis de l'islam. Pourquoi ils ont appelé? Pourquoi? Yani, on a, à la base, kuffar, quand on dit kuffar, ça c'est quoi? C'est une appellation islamique. En ma linguistique, le kuffar, c'est quoi? C'est yani tardiyatu shay. Le fait que quoi? Tu recouvres une chose. Pourquoi ils ont appelé le kafir? Kafir? Parce qu'ils disent, avec sa mécréance, il est venu recouvrir sa foi. Comme si jamais sa foi n'existait pas. C'est pour ça qu'ils l'ont appelé kuffar. Parce qu'il est venu avec sa mécréance, et il a fait comme si jamais il n'avait plus de foi. Il l'a recouvert. Et pourquoi ils ont appelé l'agriculteur kuffar en arabe? Parce que, avec les machines ou bien son boulot, c'est quoi? C'est d'ouvrir la terre, mettre les graines et la recouvrir. Pourquoi ils ont appelé comme ça? Parce qu'il recouvre la terre ou il recouvre les graines de la terre. Kuffar à la base, c'est l'agriculteur, celui qui. Dans la langue française, dans la langue arabe. C'est pas le méchant. Là. C'est le معنى العربي. Amma fi shar'a, c'est un autre truc. C'est-à-dire que maintenant dans le kitab, al-asl, lorsque c'est utilisé, ou sunna, lorsque c'est utilisé le kuffar, al-asl, c'est quoi? C'est quoi le معنى al-asl? Yani, c'est le معنى qui est mudabadir ila dhihn. C'est-à-dire, ton esprit, lorsqu'on va dire kuffar, il va partir vers quoi? Celui qui a mécru. Celui qui est sorti de l'islam. Là, si jamais il y a un indice qui montre, comme c'est le cas dans la ayah, ayah al-fath, s'il y a un indice qui montre que c'est pas les kuffars qui sont venus, tu vois, parce que le contexte il va pas avec. Ah, ça n'a rien à voir. Parce que là, le contexte ça parle de Yu'dibu Zurra. Zurra c'est ceux qui sèment. Liyaghidha bihim al-kuffar. Kuffar c'est fallah. Tamam, mathalan, tu vas prendre quoi? Dans le texte il y avait quoi? Mujtahid. Mujtahidun. Ça? C'est quoi comme sorte de plural ça? Salim. Jam'. Tamam? Jam'u Salim. Pourquoi? Parce que son singulier n'a pas été modifié dans le pluriel. Mujtahid, on a rajouté le waw et le nun. Jusqu'ici, tout va bien. Tu dis, hada, ou pas hada plutôt, ou hawala, mujtahidun, pour éviter de réécrire. Tamam? Hawala, mujtahiduna. Ces personnes-là sont mujtahid, sont sérieux. Et le ou, c'est quoi déjà là? On est dans quel type de phrase là? Jumla ismiya. Donc qui dit jumla ismiya dit? Aina al-mubtada'u wa aina al-khabaru? Ha'ula? Mubtada. Mujtahidun? Khabar. Ha'ula? Mubtada. Le mubtada il est tout le temps? Marfou. Et le khabar il est tout le temps? Marfou. Tam. Il est où le halam al-tarraf? C'est quoi qui nous prouve qu'il est marfa? Qu'est-ce qui nous prouve qu'il est marfa? Mujtahidouna. Deux. C'est le waw. C'est le waw. Le waw, dans le jam' al-salim, le preuve, il y en a la preuve. Lorsqu'il est les marfou, la preuve qui nous montre qu'il est marfou, c'est le waouh. Ce waouh là, c'est la preuve qui nous prouve qu'il est marfou. Tu diras alamat wa rafi. Parce que sinon on aurait dit par exemple. C'est la même chose avec Abouka, sauf que là, c'est un autre truc là. Mujtahidoun, le jam' as-salim. C'est quoi? C'est que il y a un waw. Alamat rafi, c'est le waw. El nun, le nun qui est ici, ce nun là, il appelle quoi? Il dit, c'est celui qui est venu remplacer les tenouines qui sont donc singuliers. Ce nun là, pourquoi il a été mis? C'est lui qui vient remplacer les tenouines qui est dans quoi? Dans le singulier. Voilà. C'est-à-dire que c'est ici. L'i'rab, il va se passer ici. Si jamais, lorsqu'il va changer, l'i'rab, il va se passer ici. Mohandisouna. Tamam. Tu diras, haola mujtahidoun. Ra'aytu, on va le voir, mujtahidina. Ça a changé là. Du waw au ya. Tamam. Pourquoi? Parce qu'il est maf'ul bihi. Normalement, il est mansoub. Et on va le voir, le jam' as-salim, lorsqu'il est mansoub, il est mansoub avec le ya. Il n'est pas mansoub avec la fatha. Tu peux pas le deviner. C'est du par cœur. En fait, toi, maintenant, là, t'as un moule. Tu vois, tu sais, si jamais tu vois, tu connais le singulier d'un mot, et tu vois que dans le pluriel, il a été épargné d'être modifié, il a été ajouté un waouh et un nun, tu peux dire que soit c'est un jam, tu connais sa catégorie. Jam, salim. Amma, est-ce que par rapport à ça, tu vas trouver les jam? Là. Tu vois, là, tu peux pas faire un. C'est, ils disent, Allora, c'est sama'i. C'est qu'année, les gens, ils ont entendu. Et un par un, tu vois, un après l'autre. Enfin, un après l'autre, ils ont appris comment s'appelle cette langue-là. Ils ne sont pas venus, ils ont fait des règles, ensuite ils ont parlé. Ils ont parlé, ensuite, ils ont déduit des règles. Enfin, voilà. Ils disent, Al-Nuha, Jinniyun, Yaraun ma la tara. Ils disent, Al-Nuha, c'est son djinn. Dans le sens où ils arrivent à sortir des trucs que toi tu ne vois pas. Ils disent, c'est comme le djinn, tu ne le vois pas. Ils disent, Ahawala, c'est des djinniyun, ils sortent des trucs que toi tu ne vois pas. Non, ils sont au niveau de l'aql. Ça, c'est pour l'année, jam salim. Amma jam taksir, c'est simple. Si jamais tu connais le jam salim, tout le reste, c'est jam taksir. C'est-à-dire celui qui a été modifié. Après le jam taksir, vous allez voir, il a plusieurs branches. À la kulli hal, toi, si jamais tu as compris le salim, le reste, c'est quoi? C'est taksir. Comme ils disent avec l'alam, avec le harf. Ils disent, c'est quoi l'alamat al-harf? Comment on connaît un harf? Il dit, il n'a pas d'alama. Mais si jamais tu connais le isme et le verbe, si jamais ce n'est pas un verbe ici, ni un isme, les deux ont des alama. Si jamais tu ne connais pas le verbe, si tu connais le, comment s'appelle, le signe du verbe, par élimination, et le signe du mot, par élimination, ça peut être qu'un harf. C'est la même chose ici. Donc le jam' taksir, c'est celui qui n'a pas été épargné. Il va changer. Mathalan, qalamun. T'as même. Son jam' c'est quoi? Aqlam. Et un mot, il peut avoir plusieurs jam'a, hein? Attention. Fakihatun, fawakeh. Ça, c'est un jam'a, il est salim ou c'est un jam'a, il est taksir? Fakihatun, fawakeh. C'est un jam'a, taksir. Jam'a, taksir, il a changé. Il y a un waw qui a été rajouté. Tamam. Il a été mort, il a sauté. Il a été rajouté. Les waw est entré là, donc. Il était permuté, donc il a changé. Tamam. Donc regardez là, on va faire vite fait des petits exercices là. Tamam. Et on va avancer petit à petit. Là, vous avez vu, on avait un nouveau truc aujourd'hui, Jam. Salim, Jam. Atakfir. Tamam. En fait, là, avant, c'est Jam Muzakkar Salim. Pour le masculin. Afwan, tamam. Marquez-le ça, c'est important. Jam Muzakkar As-Salim. Parce qu'il y a le Jam, Tamam Mu'annath As-Salim. Et c'est deux choses différentes. Ouais. Non, mais là, c'est le deux types de Jam rentrent dans quoi? Dans le singulier. En fait, Jam Al-Takhir, il rentre dans le singulier féminin. Le féminin et dans le masculin. Le Jam Al-Takhir. Le Jam Al-Takhir, مثلاً Fawakih. Fawakih, c'est quoi? Féminin. Ça? Fawakih, c'est féminin ou pas? Fawakih, c'est. Eh ouais, non, mais moi je parle du taksir. Le taksir, il rentre dans le féminin et le masculin. Il n'y a pas de règle. Amal, ce que je suis en train de dire, le taksir, il n'y a pas de règle. Ça englobe le féminin et le masculin. Mathalan, fakihatun féminin. Fawaki. Qalamun, masculin. Aqalamun. Amal, le jam' mazakar salim, il a des règles. Il y a une différence. Il y a une, au niveau de la manière de former le jam'. Pour une femme, mathalan, tu diras muslimatun, tu ne dis pas muslimatun, tu ne dis pas ça. Je ne sais pas. Muslimat. Tu rajouteras le alif et le ta. Là, c'est féminin. Ça va? Donc là, on va faire l'exercice numéro 1. Il restera, Inch'Allah, le. Il y aura quoi? Le damaer. Al-damaer à écrire. Et la conjugaison. Donc il dit حول المبتدا في كل من الجمل الآتية إلى جمع. Donc il dit modifie, ou change le mubtada dans toutes les phrases qui vont venir là. Il est singulier masculin le mubtada, il te demande que tu le mettes au pluriel. Donc on va faire un vice à l'oral. Donc il nous a mis un exemple par rapport à cela, il a dit مثال, il y a un exemple, هذا طالب هؤلاء طلاب. Là il dit la même chose avec l'âge تاجر, vas-y. هذا تاجر. هؤلاء تاجر. تجار. تمام. التجار هو البلوغيل دو تاجر للكوميرسان. تمام. Vas-y. هذا حج. حاج. هؤلاء حجاج. حجاج. حجاج هو البلوغيل دو حج. حاج. حجاج. حجاج. Ah, mais ils l'ont mis là, Hujjad. Ah, entre parenthèses. Oui, il faut lire. Il faut juste le rafter d'eux. Ah, attends. Allez, tu vas dedans, à toi. Ah. Ah. Ah. Rijal, t'as vu. Vas-y. Non. Regardez, je vous donne une faïda. Donc tout ce qui est pour une chose qui peut donner une information ou bien une caractéristique. Une caractéristique qualificative. Il est grand, il est petit, il est gros, les mains, c'est tout ça, t'as même. Son pluriel, tu vas trouver sous wazn de quoi? Fi'al. Il sera sous le moule de fi'al. Mathalan, je vais dire hadha ratulun kabirun, t'as même. Son jam'a. Là, c'est un qualificatif, t'as même. Il est grand, ou on peut dire kadalika, il est corpulent, t'as même. هذا رجل كبير. Ils sont plusieurs, je veux dire هؤلاء الرجال كبار. هذا رجل طويل. هؤلاء الرجال طوال. فعال. فعال. وزن فعال. فعال. طوال. قصار. تمام. مثلا tu vas dire il y a quoi encore? قصير نعم قصير مثلا هذا الرجل قصير هؤلاء الرجال قصار فعال هذا الرجل نحيف هؤلاء الرجال نحاف ils sont maigres تمام لا غني غني يعني والله اعلم c'est celui qui est le qualificatif le qualificatif qui est sous le wazn de fa'il, kabir. Tout ce qui est le wazn de. Les awzan, c'est important de connaître le wazn d'un mot. Mathalan, tu comprends que quand je dis un wazn, c'est quoi? C'est le moule. Le moule, je ne sais pas comment il sera. Ça. Tamam. Mathalan, je vais te dire. Kabir. On va effacer plutôt. Kabir. Tamam. Je te dis kabir, je te demande c'est quoi le wazn de kabir. Tamam. Non, le wazn. Kabirun. Je te demande, c'est quoi son wazn? Voilà, c'est yani le moule. C'est quoi son moule? Et pourquoi ils prennent toujours fa'al? Parce que c'est le fait de faire. Tu remets quoi? C'est pas l'infinitif. C'est comment il est formé. Fa, fa, fa, ka. T'as ri, bi. Ya, ya. فعيل c'est le même son فعيل كبير فعيل كبير je te montre le wazn de كبير tu prends le même le mot et tu remplaces yani ces lettres t'as même par quoi فعلا le wazn c'est le voyelle non le voyelle le voyelle et la manière dont il est écrit Tu t'es dit qasirun. C'est quoi son wazn? Qasirun. Qasirun, c'est quoi son wazn? C'est pareil. Fa'ilun. Qasirun. Fa'ilun. La même chose. Tu t'es dit, mathalan, toywalun. C'est quoi son wazn? Toywalun. C'est quoi son wazn? Fi'alun. Tu t'es dit, akbar. C'est quoi son wazn? Akbar. C'est quoi son wazn? Af'al. Tu prends la racine, tu rajoutes. Si je te dis... Si je te dis, vas-y, ma mère. Jam'un. Jam'un. C'est quoi le wazn de jam'un? Fa'lun. C'est quoi le wazn de... Takbirun. Takbirun. Takbirun. تكبير تكبير فعيل فعيل ça est-ce que تكبير et tu me dis فعيل ça ressemble c'est pas la même chose je te dis تكبير et toi tu me dis quoi فعيل تكبير ايش تفعيل vas-y بعدين هذا كبير vas-y هذا صغير تمام هؤلاء كبار هذا قصير هؤلاء صغير هؤلاء صغار صغار ايوه هذا قصير هؤلاء قصار regardez juste pour faire على وزن regardez صغير كبير قصير tous على ايش فعيل فعيل فعيل et son جمع c'est quoi فعال فعال فعال قصير قصار كبير كبار صغير صغار ça sonne pareil ou pas هذا ولد هؤلاء هؤلاء أولى تمام هذا ابن هذه هذا ابن هؤلاء هؤلاء ابناء ابناء هذا عم هذا عم هذا هؤلاء هؤلاء امعام امعام هذا شيخ اعمى اعمام اعمى اعمام اعمام تمام هؤلاء شيوخ هذا شيخ كل شيوخ هؤلاء شيوخ Tu veux dire Ashiach, tu veux dire Meshir. Je te dis, un verbe, un nom, il peut avoir plusieurs plurales. Tu peux dire ça, Haneha l'Ashiach. Wahaola, Shuyuch. Haola, Ashiach. Haola, Meshayach. Tamam ? On va dire la même chose avec. On va finir, vas-y. Hada Daifun. Hada Duyufun. Tamam. Hada Zamilun. Hada. زملاء تمام شوف il a dit زملاء ou il a pas dit زملاء on va le voir parce que là c'est pareil يعني les verbes جمع تكسير qui sont sous le وزن c'est à dire sous la forme تمام de فعلاء زملاء فعلاء عفوا فعلاء زملاء ils prennent pas de terminus à la fin je dis pas زملاء ماشي comme quoi j'ai pas entendu Mal'an. Eh, mal'an. Lakin là c'est mal'an. Amma huna c'est fu'ala, il faut qu'il soit pluriel. Eh, lakin, ça c'est un singulier. Tam. Et cela c'est du pluriel. Tamam. Ha'ula. Tamam. Faqi, hada faqirun. Ha'ula. Fu. Fuqara. Ha'ula fuqara ou. Tu dis pas fuqara un. Pourquoi? Parce que ça a la wazn. C'est sous la forme de quoi? Fu'ala. تمام هذا غني هؤلاء اغنياء كذلك tu dis pas اغنياء pourquoi parce que c'est un جمع il est sous la forme de quoi افعلاء et tout ce qui on va le voir tout ce que là on fait juste comme ça à l'oral tout ce qui est افعلاء et c'est un جمع ils font pas de تنوين تمام هذا صديق هؤلاء اصدقاء اصدقاء او pareil افعلاء اصدقاء Quand même, jama, il ne prend pas de tanwin. Tanwin, je veux dire, jama, sous la forme de afila, il ne prend pas de tanwin. Hada, tabibun, hawala, atibba, pareil. Atibba, ou. Pourquoi là, il ne prend pas de tanwin là. Hein? Abu Qais, innahu. Là, là. Afila. Qui est sous la forme d'afila? شوف كم هو يسوى فهم الأفعلة يا ليش شوف انظروا شو لنا أطباء إلى سوى الفهم دو كوا أف عيلة La personne dit comment ça les soit la fin là il y a pas de chedda ici laquelle comme on a dit une chedda c'est quoi c'est deux lettres le lettre La première, la deuxième, ah là là. Voyelle, c'est comme si jamais tu avais dit quoi? Vas-y, pardon. Hada fata. Hada fata, hawala. Hahia. Fetiatun. Hada achun. Haula, haula, wa ikhwantun. Ikhwa. Ikhwatun. Ça c'est? Duel. Hada. جديد هؤلاء جدود هذا مدرس مدرس نعم هذا مدرس ما عندي مدرس هؤلاء هؤلاء مدرسون مدرسون هذا نعم مهندس هؤلاء مهندسون هو فلاح وجسوتيا هذا جسوتيا هذا فلاح هؤلاء فلاحون هذا مجتهد هذا مجتهد هؤلاء مجتهد هؤلاء مجتهدون مجتهدون تم هذا مسلمون اتوا علي هؤلاء مسلمون دونك ابخلي لو فوكابولير ان شاء الله اي sachez que le verbe est divisé en le جمع est divisé en deux جمع سالم مذكر سالم وجمع تكسير سبحانك اللهم وبحمدك مع تحيتي دماج.com ولا تركنوا الى الذين ظلموا فتمسكم النار الحذر من الركون الى الظلمه من شيعة او حزبيين لا تركن اليهم هؤلاء ثعابي